Chapitre 21, le verset 1 à 8, mais je ne vais pas vous les lire au complet tout de suite. Je vais juste commencer, puis au fur et à mesure que nous allons, j'aimerais vous donner quelques commentaires. Le verset premier nous dit ceci: Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. La première des choses même que je voulais souligner avant de lire les versets au complet, c'est de vous faire remarquer certaines expressions avec lesquelles ce livre ouvre. Nous avons remarqué qu'avec le chapitre 20e, la période que nous pouvons appeler les temps dans lesquels nous vivons s'achève ou est achevée. À partir du chapitre 21e, nous sommes introduits, nous traversons le seuil que nous pouvons dire maintenant, on entre dans l'éternité, n'est plus dans ces temps présents. J'aimerais vous faire remarquer qu'à travers de ces derniers chapitres, à plusieurs reprises, il nous donne cet ordre chronologique des choses qui se suivent une après l'autre. Par exemple, vous avez remarqué que le verset premier commence « Puis je vis ». Les mots « puis » veut dire, nous donne un ordre chronologique des choses qui suivent. Au verset 11e, vous allez trouver encore, dans les chapitres, reculez un petit peu dans les chapitres 19e, puis vous allez remarquer dans les chapitres 19, verset 1er, il dit « Après cela », les choses qui suivent, verset 11e, puis j'ai vu le ciel ouvert, chapitre 20, il dit, puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, et ainsi les choses se succèdent. Le verset 7e, quand les 1000 ans seront accomplis, ça c'est encore la suite. Puis encore le verset 11e dans le chapitre 20e, il dit, puis j'ai vu un grand trône blanc. Au verset 15e du chapitre 20e, il termine comme ça. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans l'étang de feu. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et le verset 9e, encore une fois, il dit, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies, et ainsi de suite. Alors, voyez comment il nous donne des choses de la manière qu'elles se succèdent une après l'autre. Quand nous regardons les sujets qui est traité dans les 8 premiers versets de ce chapitre 21e, la première des choses qui saute à nos yeux au verset premier, c'est la destruction du système présent ou des choses présente, actuelle. Nous lisons que le ciel, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Pourquoi? Car le premier ciel, la première terre avaient disparu. Alors, si nous regardons tout d'abord cet aspect, la disparition des choses ou la destruction du système présent, nous réalisons en même temps que la terre et les cieux d'à présent sont souillés. Si nous regardons dans Genèse chapitre 3, par exemple. Genèse chapitre 3e. Nous trouvons qu'à la chute de l'homme, le Seigneur, dans le chapitre 3e, au verset 17e, quand il s'adresse à l'homme, il lui dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. La terre maudite. Puis dans Job chapitre 15, les versets 14 à 16, il nous parle quelque chose qui est très intéressant. J'aimerais bien que vous puissiez le trouver. Job chapitre 15e, au verset 14e, il dit ceci. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers l'homme qui voit l'iniquité comme l'eau. Mais la chose à souligner, c'est qu'il dit au sujet des cieux, il dit que le ciel n'est pas pur. Et si nous arrivons maintenant dans le Nouveau Testament, le deuxième épître de Pierre, de Pierre, le chapitre troisième, de Pierre, chapitre 3, c'est vraiment remarquable comment, non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, les prophéties s'accordent ensemble. Chapitre 3, à partir du verset 10e, chapitre 2, Pierre 3, 10. Il dit d'abord, verset 10e, « Les jours du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Alors ça, il dit au verset 10e, puis il continue maintenant jusqu'au verset 13e. Écoutez, « Puis donc, toutes choses doivent se dissoudre. Quel ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous, nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre selon où la justice habitera. » Alors, la prophétie et l'espoir ou l'attente des enfants de Dieu, des apôtres, de l'apôtre Pierre, c'est l'anticipation que la terre d'à présent, les cieux présents, vont disparaître, vont se dissoudre et doivent être remplacés. Encore dans l'Ancien Testament, si nous regardons dans les psaumes, par exemple, les livres des psaumes, les chapitres 22e, Psaume 22, les versets 26e. Il dit ceci, « Tu as anciennement fondé la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Ça, c'est une autre prophétie. Dans les prophètes Ésaïe, les chapitres 51e, je vais vous lire quelques de ces passages, comme ça vous allez voir quelles sont les déclarations des Saintes Écritures au sujet de ces prédictions. Alors, chapitre 51, les prophètes Ésaïe, et à ça nous pouvons ajouter aussi les paroles du Seigneur Jésus, 51 verset 6, où il dit, « Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. » Le Seigneur Jésus dans Matthieu 24, le verset 35 dit, « La terre et les cieux passeront. » Il ajoute, « Mais mes paroles ne passeront point. » Alors, si nous regardons ce que nous venons de lire au sujet de la terre et du ciel, il y a toutes sortes de théories à ce sujet. Mais je ne vais pas vous présenter des théories. J'aimerais que nous réalisons tout simplement que quand la parole de Dieu nous parlait de la création de la terre et du ciel, le mot « création » veut dire que Dieu a créé quelque chose de rien. Quelque chose, il n'a pas pris quelque chose qui existait et l'a mis en branle, et a mis en branle une évolution. Le mot « création » veut dire tout simplement des zéros, des rien. Il n'y avait absolument rien. C'est ça que ça veut dire la création. Alors, Dieu a pris rien et a créé les cieux et la terre. Maintenant, à la fin de ce système, si je puisse dire, ce sera renversé. La destruction va aussi finir avec rien. Moi, je crois ça. Parce que c'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Puis ensuite, remarquez, il dit les versets suivants, c'est-à-dire dans l'Apocalypse, non plus dans les prophètes Esaïe, les versets suivants, ou à la fin de ces versets encore, il dit « Et la mer n'était plus ». C'est très intéressant qu'il fait cet commentaire ou qu'il ajoute cela, parce que évidemment, si la terre et le ciel vont disparaître, que la mer va disparaître avec. Mais il veut nous assurer, il veut nous dire qu'en effet, la mer présente ne sera plus après. Plutôt que de nous dire que sur la nouvelle terre ou les nouveaux cieux, il n'y aura pas de mer, et il nous dit que la mer était disparue. Elle n'était plus. Aujourd'hui, nous savons que à peu près 70% de la surface du globe est de l'eau. Et dans 2 Pierre, les passages que nous avons lus, les chapitres que nous avons lus, dans le chapitre 3e, il y a un verset que j'aimerais vous faire remarquer. Chapitre 3, verset 5. Ça précède les passages que nous avons lus tout à l'heure. Alors, il dit au verset 5e, ils veulent ignorer, parce que précédemment, il a dit qu'il y a des gens qui disent tout le temps, au verset 4e, il dit, où est la promesse du Seigneur, c'était toujours comme ça, rien n'a changé, ça passe d'une génération à l'autre, d'un centenaire à l'autre, d'un millénaire à l'autre, il n'y a pas de changement, c'est toujours pareil. Alors, il dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, les mondes d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont réservés, sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors, dans Hébreux chapitre 12e, nous avons aussi des références que je voudrais attirer à votre attention, mais nous trouvons que dans l'Ancien Testament, dans les livres de Genèse, en effet, quand il nous parle, il nous dit, il nous présente une terre, et évidemment, il y avait une sorte de mélange avec la terre et la mer, parce que dans le verset 9e du chapitre 1er, Dieu met de l'ordre dans ce système et il sépare la terre avec les eaux. Et désormais, en effet, les eaux deviennent, les continents apparaissent et les eaux deviennent des séparations, une isolation à travers les globes. Dans Hébreux chapitre 12, au verset 26e, il dit ceci tout simplement, que Dieu, la voix de l'Éternel, a déjà une fois ébranlé la terre. Et qu'il est en réserve maintenant, non seulement que Dieu va ébranler la terre, mais il va aussi ébranler les cieux. C'est très intéressant de regarder les globes et de voir comment en réalité c'est comme un casse-tête, comment on peut voir comment les continents ont été déchirés par une catastrophe et qu'on peut presque les mettre ensemble et en former une casse-tête. Alors la terre, définitivement, non seulement peut-être avant la création de l'homme qu'elle a subi, une expérience chaotique qui pourra être la chute de Satan, mais définitivement au déluge, il y avait des choses qui se sont passées. Et maintenant Dieu dit que cette terre-là, elle va disparaître et il n'y aura plus de la mer. Savez-vous quoi? Je suis content. Aimez-vous ça la mer? Ah, il y a des gens qui sont affolés à la mer, qui aiment ça être près de la mer. Moi, j'ai toujours eu peur de la mer. Je ne suis pas un homme qui aime la mer. J'habitais loin de la mer, parce que c'est créé, hein? Je ne sais pas nager. Je suis content qu'il n'y aura plus de mer. Pardon? Non, ça c'est sûr, oui, hein, sûr. Je n'irai plus à la pêche. Je ne pense pas que j'aurais envie d'aller à la pêche. OK. Maintenant, si vous regardez les versets, ces versets encore, il nous dit non seulement qu'il va avoir une disparition de la terre, du ciel et de la terre, et que la mer n'y sera plus, mais l'apôtre Jean, il nous dit qu'il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors, ayant un peu plus loin, il nous parle de la nouvelle Jérusalem. Trois choses nouvelles qui sont décrites ici. Alors, les nouveaux cieux, nous savons qu'actuellement, quand nous parlons du ciel, nous parlons de trois sortes de cieux. Les cieux atmosphériques, les cieux planétaires et les cieux que l'apôtre Paul appelle les troisièmes cieux, que nous pouvons dire est la demeure de Dieu. Alors, les cieux habituellement est considéré de cette façon-là, la demeure de Dieu. La terre, par contre, est la demeure de l'homme. N'est-ce pas? Alors, nous lisons que cette terre qui était souillée, ce ciel qui était affecté, parce qu'au fond, Satan même avait accès et a encore accès dans les cieux, c'est là où il nous accuse devant les trônes de Dieu. Et cette terre va être enlevée. Et les mêmes prophéties, Ésaïe 65, par exemple, et les prophéties que nous avons lues, nous parlent que Dieu va créer à nouveau des rien, un nouveau ciel, nouveau ciel et une nouvelle terre. Et il ajoute où la terre habitait là. Alors cette terre qui était maudite, qui était souillée, va être remplacée par une nouvelle terre. La troisième chose qui nous mentionne, je vais relire maintenant un peu plus loin, verset 2 nous dit, « Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. » Et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Le verset 2 nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, quand j'aimerais que la semaine prochaine, à partir du verset 9 jusqu'au dans les chapitres 22, il nous parle de cette Nouvelle Jérusalem. Et à ce moment-là, nous aurons occasion de parler beaucoup plus en détail de ces aspects de cette Jérusalem. Mais j'aimerais tout simplement dire ceci concernant cette Jérusalem en question, la Nouvelle Jérusalem. Dans le chapitre 11, verset 8, il nous parle que la Jérusalem actuelle, la Jérusalem présente, il l'appelle Sodome et l'Égypte. Parce que ça, c'était la cité de la crucifixion, du rejet. C'est là où ils ont rejeté les Messies, et la ville de la colère. Hein? Mais ce ne sera pas ainsi avec la Jérusalem nouvelle. La Jérusalem nouvelle, c'est la cité de sa gloire, la cité du roi des rois, la cité de la souveraineté de Dieu. Hein? Une cité céleste, construite par Dieu lui-même. Dans Hébreux, chapitre 11, et j'aimerais que vous y tourniez pour un instant, Hébreux, chapitre 11, le verset 10. Alors, vous voyez comment Abraham, quand il est sorti d'Ur en Chaldée et s'est installé en Palestine, nous lisons qu'il a refusé de se construire des cité, parce qu'au verset 10, il dit, « Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et constructeur. » Puis, un peu plus loin, au verset 14, il continue, il dit, « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, et s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, c'est-à-dire Ur, en Chaldée, ils auraient eu le temps d'y retourner. » Mais ils n'ont pas fait ça. Pourquoi? Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alors, ça c'est vraiment fantastique parce que nous pouvons réaliser que ça c'est vraiment accomplissement, que la Nouvelle Jérusalem est accomplissement de cette espérance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des patriarches de l'Ancien Testament. Alors nous avons dit que le ciel est la demeure de Dieu. La terre, la demeure de l'homme. Et quand nous regardons cette nouvelle Jérusalem, c'est la demeure des rachetés de tout temps, de toute génération, de Dieu, des anges et de se racheter. Ce qui est aussi très intéressant de voir, ce qui suit dans ces chapitres ensuite, c'est les bénédictions qui sont décrites concernant cette cité. Alors, il nous dit tout d'abord, nous avons lu tout à l'heure au verset 3e, Jean dit, voici, et j'entends du trône une voix forte qui disait, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. C'est ça qui les merveille de la Nouvelle Jérusalem. C'est qu'au fond, aujourd'hui, le Seigneur est au ciel, nous sommes sur la terre. Mais ensuite, vous voyez ainsi, cette distance et cette séparation disparaîtra. Il dit, les tabernacles de Dieu avec les hommes. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu a choisi son peuple d'Israël, il avait le désir d'habiter au milieu de son peuple. Mais un Dieu saint et l'homme déchu ne peuvent pas avoir une relation parce que la sainteté de Dieu ou dans la présence de la sainteté de Dieu, les péchés et les pécheurs ne peuvent pas subsister. C'est pourquoi Dieu a trouvé un moyen par lequel un Dieu saint pouvait habiter au milieu d'un peuple pécheur. Et ces moyens étaient les tabernacles. N'est-ce pas? Vous rappelez-vous la disposition des tabernacles? Les trois parties, l'extérieur, les lieux saints et les lieux très saints. Hein? Puis les tabernacles lui-même, les chérubins, puis au centre la Shekhinah, la gloire de l'Éternel, qui était gardée. Et entrer vers cette gloire, entrer vers la présence de Dieu, était interdite, était fermée, sauf les souverains sacrificateurs. Et avec le saint, pouvait s'approcher une seule fois par année, les jours de l'expiation, pour obtenir la rédemption. Mais voyez-vous ce désir de Dieu d'habiter au milieu de son peuple. Après ça, par exemple, dans l'évangile de Jean, vous rappelez-vous, vous connaissez l'évangile de Jean, ça commence, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puis vous sautez, vous allez verset 12, 13, et vous arrivez au verset 14e, où c'est écrit, « Et la parole a été faite chair, et elle a tabernaclé au milieu de nous. » Pendant 33 ans, vous voyez, celui qui a tabernaclé au milieu d'Israël dans les tabernacles, il a tabernaclé dans une chair au milieu de nous durant 33 années. Puis après son départ, nous lisons maintenant, vous rappelez-vous, nous avons lu chapitre 13, chapitre 15, que Jean a dit qu'il a vu le tabernacle de Dieu dans le ciel. Il avait entendu des voix qui sortaient de ce tabernacle céleste. Le Seigneur Jésus est maintenant dans les tabernacles célestes vivants et il intercède pour nous. Voyez la progression. Vient la nouvelle Jérusalem. Nous traverserons les seuils dans l'éternité. Ce ne sera plus là-haut, ce ne sera plus là-bas, à Jérusalem, à l'est, c'est par là. Hein? Ce ne sera plus. Ce sera les tabernacles de Dieu avec les hommes. Dieu avec nous. C'est ça vraiment qu'il est les merveilles de la parole de Dieu et de l'espérance des enfants de Dieu. Et si nous regardons encore dans cette cité, ce sera vraiment une absence. Hein? Regardez le verset 4e, j'ai commencé à vous lire. Alors il dit verset 3 que Dieu habitera avec nous, nous allons être son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. Et parce que ce sera comme ça, voyez, Dieu avec nous, nous avec lui, plus de séparation, mais une communion parfaite et éternelle. Verset 4 dit, « Ils essuieront toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Larmes, mort, deuil, cri, douleur. Il dit, « Les rachetés n'en connaîtront plus de ça. » les premières choses, les choses présentes actuellement, hein, nous en souffrons les conséquences de la chute et de la rébellion de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes des rachetés. Nous sommes des enfants de Dieu qui ont cette conviction, assurance, certitude basée sur la parole de Dieu. Que nous avons été sauvés de la culpabilité et de la pénalité du péché, n'est-ce pas? La pénalité du péché est tombée sur les dos de Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas encore délivrés de la présence du péché, par exemple. Nous avons encore à lutter et se débattre avec les péchés de jour en jour. Et nous souffrons encore aujourd'hui, non seulement la présence, mais aussi les conséquences de la chute, la souffrance, la mort, les cris, les deuils, la douleur, comme il dit. Mais à ce moment-là, il nous dit que les premières choses, toutes ces choses-là, vont disparaître, elles ne seront plus là. Premières choses auront disparu. La terre, le ciel, c'est vrai, la lune, le soleil, tout va disparaître. Hein? Mais non seulement cela, les péchés, la mort, les larmes vont disparaître également. Ok, il y a quelque chose d'autre que je voudrais vous souligner avec vous maintenant. Le verset suivant, verset 5e, il dit « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Alors il a déjà dit au début à Jean que Jean voyait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Là, il déclare, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et on dirait presque que Jean, dans la stupéfaction des choses qu'il voyait, il a oublié d'écrire. Ça me rappelle à des réunions, quelquefois, quand nous avons des réunions, nous avons des secrétaires, puis on est dans la discussion, on est obligé de dire à notre secrétaire, écris ça, écris ça, écris ça. Il me semble que le Seigneur est en train de dire, Jean, n'oublie pas écrire. Écris ça. Alors, il me dit d'écrire, parce qu'il dit, verset 5 et encore, ce que tu es en train d'écrire, ce sont des paroles certaines et véritables. Puis au verset 6e, il dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et après, il dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Alors, dans le verset 6e, nous avons quelque chose de merveilleux au sujet du Seigneur Jésus. Parce qu'il est appelé ici l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire la première et de la dernière lettre de l'alphabet grec, les premiers et les derniers. La source, l'origine, et la conclusion de toutes choses, parce que par lui et en lui sont toutes choses, subsistent toutes choses. Alpha et l'oméga, Genèse à l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ, le Seigneur Jésus. Référence Ésaïe 44, verset 6, qui va très bien avec cela. Maintenant, regardez la dernière chose qu'il nous dit, avec laquelle il termine le verset 7 et 8. Il dit, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Monsieur Sperry Louis Schaeffer a écrit un livre qui s'appelait « Les grands divorces ». Les grands divorces. Ça, c'est le grand divorce. La grande séparation. Ici, il y a des vainqueurs et des vaincus. Quand nous étions en France, vous savez que les Français sont très forts sur les bicycles. Puis ils ont des Tours de France chaque année, où les capacités des cyclistes sont testées. Nous avons vu à plusieurs reprises les Tours de France passer par Dijon ou pas loin de Dijon. Mais il y avait un frère qui maintenant est décédé, qui venait souvent chez nous, un pasteur, Robert Dubarry, et qui, dans sa jeunesse, était pas mal amateur de la Tour de France. Puis, ça m'a frappé ce qu'il nous disait à plusieurs reprises. Il dit, quand il voyait à ses courses cyclistes, les coureurs de revenir, après que la course était terminée, alors en les voyant venir, il regardait les coureurs, les cyclistes, puis il disait, c'est un vainqueur, c'est un perdant. C'est un vainqueur, c'est un perdant. Il pouvait voir la différence dans l'expression de leur visage, ce qui était des vainqueurs et ce qui était des perdants. Bon, peut-être que si vous ouvrez à un moment donné votre télévision pour voir les hockey, et la partie vient juste d'être terminée, vous n'avez pas vu encore les tableaux d'affichage des scores, mais vous voyez tout simplement l'équipe sur la glace. Est-ce que vous serez capable de déterminer les perdants et les gagnants? Oui? Pas mal, hein? Je crois que ça va être pas mal comme ça. Ça va être facile de discerner les vainqueurs et les perdants. Hein? Parce que quand il parle des vainqueurs, il dit à celui qui vaincra, héritera ces choses. C'est quoi un vainqueur? C'est un gagnant. Mais aujourd'hui, de quoi il s'agit quand il parle des vainqueurs? Quelle sorte de vainqueurs? Est-ce que ce sont des gens qui ont gagné le ciel? Mais vous voyez, cette conquête commence maintenant. Cette conquête commence dans le cœur. Dans le cœur où la parole de Dieu est prêchée, où est annoncée, et où il y a tout d'abord un conflit, une lutte entre la vérité et l'erreur. Dans le cœur où le Saint-Esprit travaille, et où l'adversaire fait tout son possible pour garder l'âme dans l'erreur et dans les ténèbres. Ça, c'est un champ de bataille. Et raison, et femme, qui à ce moment-là a regardé à la croix du calvaire et par la foi en Jésus-Christ a saisi les dons gratuits de Dieu et ainsi a vaincu et appartiennent au groupe des vainqueurs. Et heureux l'homme et femme qui à partir de ce moment-là marche avec la tête levée, en sachant que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a vaincus, qui nous a aimés et qui nous a rachetés. N'est-ce pas? Parce qu'à ce moment-là, nous pouvons dire à celui qui a vaincu, au vainqueur, il y aura, qu'est-ce qu'il y aura? Hein? Il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Accès parfait. Mais de l'autre côté, pour les lâches, c'est qui les lâches? Ceux qui ont peur, ceux qui n'osent pas, hein? Ceux qui ont peur de ce que dira-t-on? Ou qu'est-ce que diront mes amis? Qu'est-ce que dira ma famille? Qu'est-ce qui m'arrivera? Qui ont peur d'être persécutés ou d'être moqués, hein? D'être rejetés, d'être abandonnés, qui calculent les prix. Alors il dit les lâches, les incrédules qui ont refusé de croire, juste le contraire de ces premiers. Alors les abominables meurtriers, les péchés, les impudiques enchanteurs. Pour l'éternité, dans tout cela, les compris les menteurs, les temps ardents des faits et des souffreurs, ce qui est la seconde mort. Une séparation, un divorce éternel. Et ce divorce a déjà commencé. Parlez. A commencé les jours. J'ai dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. J'ai franchi le seuil de la mort à la vie. Et la différence est non seulement aujourd'hui, mais la différence va avoir lieu d'une manière particulière et spéciale pour l'éternité. C'est pourquoi, dans les chapitres suivants, l'Église dit sans arrêt, « Viens bientôt, Seigneur Jésus. » C'est vraiment quelque chose de merveilleux que de pouvoir parler du retour de Jésus-Christ et des choses qui nous attendent. Parce que cette doctrine du retour de Jésus-Christ a pour but d'éveiller en nous les désirs d'être constamment prêts pour le retour de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ce soit aujourd'hui. Vous savez, si je regarde notre sœur ici, elle sourit. Si Ginette serait ici aujourd'hui, elle ferait la même chose. Avez-vous assisté aux enterrements chrétiens? Jamais autant que quand je suis dans un enterrement chrétien, l'espérance des enfants de Dieu n'est jamais plus aussi évidente et aussi tangible qu'au moment où nous voyons un enfant de Dieu décédé et on l'enterre. À ce moment-là, cette réalité de la vie éternelle, du ciel, de la félicité des enfants de Dieu, devient tellement, je dirais, tangible. Parce qu'on voit ces corps, tout simplement, les dépouilles. J'aime cette expression parce que c'est une dépouille. L'homme était dépouillé. Hein? On laisse cette dépouille-là parce que l'enfant de Dieu n'est pas là. Et on attend le retour et la réunion du corps avec la personne. Bien bientôt, Seigneur Jésus. Avant que je vais donner la place à Thierry pour vous faire les annonces, je voudrais encore prendre une occasion de vous dire quelque chose. J'ai dit, ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour ça. Aujourd'hui, j'ai reçu dans les courriers les nouvelles des chrétiens en Russie. C'est vraiment quelque chose de, qui, au fond, doit nous toucher pour réaliser qu'il y a aujourd'hui encore dans des parties du monde où les enfants de Dieu n'ont pas les privilèges comme vous et moi d'être assis dans une salle chaude, bien éclairée, chaise confortable, être à l'aise, pouvoir prier. Il nous dit que cette année, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il cite 11 cas en précisant la date, la place et les autorités en question qui ont intervenu dans des réunions où les chrétiens se sont réunis dans des bois ou dans une maison. Pour disperser, pour terroriser les chrétiens, tandis qu'en Russie, soi-disant, il y a maintenant une détente. Pendant cette détente, qui est publiée à travers le monde, les chrétiens russes continuent à être persécutés. Il y a des amendes qui leur ont données parce qu'ils se sont réunis. parce qu'ils ont chanté ou adoré le Seigneur ensemble. Donc, je voulais attirer ça à votre attention. Je voulais vous inciter de prier pour les chrétiens qui sont en Russie. Et si vous lisez en anglais, il y a un bulletin des prisonniers en français, mais ça, ce sont des lettres qui sont venues. Alors peut-être que ça vous intéresserait de les lire. Mais j'aimerais que vous priez ce soir et dans nos cultes des familles personnelles pour les enfants de Dieu qui sont persécutés derrière les rideaux de fer. OK? Il y a une pour chaque famille.